Je suis arrivé sur terre, mais c'est juste un séjour. Je te parle de profil, je suis blessé à l'autre jour. Certaines personnes mettent fin à leur jour. Sont-ils des lâches ou des incompris? J'ai plusieurs raisons de vivre. Allez, vivons heureux. Téléphone sur vibreur. On s'appelle Survivor. J'ai ma mère, mon père, mes soeurs, mes grandes soeurs, mon grand frère. Et maintenant mon fiston. Allez, ferme ton blouson, car le vent souffle. Quand tu me regardes dans les yeux, je deviens tout fêlé. Il est à moi, moi, moi. Oh, j'ai enfin fini. Il est à moi, moi, moi. Je vois enfin le bout du tunnel. Il est à moi, moi, moi. Super content d'avoir relevé ce défi. Il est à moi, moi, moi. Franchement, cet album il m'a donné du fil à retordre. Et il est à moi, moi, moi. Heureusement que j'ai des gens derrière moi, des gens solides. Il est à moi, moi, moi. Mon producteur, mon manager, mes potos, moi, moi, moi. Mes frères et sœurs. Mon fils il arrive en cours de route. Et il m'a donné une force incroyable. Et toi qui écoutes l'intro, tu penses que cet album-là va te plaire? Moi je pense que ouais. Appartement 105 dans les bacs. Le meilleur reste à venir. Sorti nulle part, mais je sais où je vais. Que bloc de 4-3. 60-180. Il est à moi, moi.